Dans l'Ordre de Montréal, je vais vous faire connaître un mystère. J'ai du doute. Mais quand je dis ça, je ne fais pas le titre, là. Je vous cite les titres aux Corinthiens, qui commencent comme ceci. Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. J'espère que vous aimez la trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous, nous serons transformés. Il faut, en effet, que cet être corruptible revête l'incorruptibilité, et que cet être mortel revêt l'immortalité. Fin de citation. Voilà, il n'y a plus de mystère. Ce corps mortel revêtira un jour l'immortalité. Il n'y a plus qu'à attendre que le son de la trompette finale s'annonce. Alors voilà pour ce qui est de la promesse biblique de la victoire sur la mort par l'assurance vie éternelle. Mais ça veut dire qu'un jour la mort sera vaincue, que la mort n'est pas une condition éternelle et normale d'existence, si je puis dire, mais plutôt un mensonge obscur, le premier et le dernier de tous les mensonges, l'ultime résistance à un ordre lumineux, un ordre supérieur. Mais le Nazaréen, lui, n'y a pas attendu le son final de la trompette pour immortaliser son corps. Ça veut certainement dire qu'il existe un processus d'immortalisation, de morontialisation, d'éthérisation du corps. Est-ce que, la question, il y en a plusieurs, mais premièrement, est-ce que le processus s'enclenche ou s'opère de haut en bas par une purification du corps mental, du corps astral, du corps physique jusque dans les cellules mêmes? Quel serait là-dedans le rôle de l'ajusteur de pensée, le rôle du double éthérique? Est-ce que ce processus passe d'abord par la compréhension totale du phénomène de la mort? Et si oui, qu'est-ce que la mort du point de vue supramental? La mort du point de vue supramental. La mort à partir d'une conscience réelle. Quand je parle de conscience réelle, je parle d'une conscience où l'homme, psychiquement, mentalement, vit une relation d'énergie mentale, d'énergie sur le plan mental, avec sa contrepartie cosmique. Quand l'homme vit cette relation dans le mental, selon son niveau d'évolution, il commence à comprendre le phénomène de la mort. Quand je dis le phénomène de la mort, je veux dire le mensonge de la mort. Quand je dis le mensonge de la mort, je veux dire le mensonge de la vie humaine sur la terre qui fait que l'homme meurt. Si l'homme meurt, c'est parce que déjà, sur le plan matériel, il vit une conscience qui est enracinée dans un mensonge, qui prend naissance avec lui quand il vient sur le plan matériel et qui dure avec lui tout le temps de son évolution. Quand l'homme connaîtra la conscience supramentale, ou la supraconscience, ou la conscience réelle, ou, appelez ça comme vous voulez, quand l'homme en arrivera à un état de fusion mentale supérieure, il sera en contact directement avec son esprit au lieu d'être en contact sur le plan mental inférieur avec son âme. L'âme de l'homme, c'est de la mémoire. L'esprit de l'homme, c'est de l'intelligence.